Géraldine Bosna-Savoie, vous voulez finir la semaine avec une réflexion importante. J'aimerais finir la semaine effectivement avec une question cruciale. En a-t-on fini avec les couillons ? Cette question m'est venue non pas en suivant l'actualité, non plus en m'intéressant à mes concitoyens, mais tout simplement parce que je suis tombée sur le mot couillon. Et au fur et à mesure que je le voyais, car il y avait de nombreuses occurrences dans le texte que je lisais, ce mot, que je connais parfaitement, me semblait de plus en plus incongru. Pas parce que j'étais soumise à ce phénomène qu'on a tous expérimenté, selon lequel un mot, à force d'être répété, devient étrange, voire absurde, dénué du sens qu'on lui donne spontanément, non, pas du tout, mais parce qu'il me semblait complètement dépassé. Et oui, Guillaume, qui dit encore le mot couillon ? Il sonne pour moi comme un mot de l'enfance, prononcé déjà à l'époque par mes grands-parents, peut-être encore par ma mère. Peut-être que je me trompe sur mes souvenirs, mais il est clair qu'il a en tout cas disparu de nos conversations quotidiennes. Ce qui pose donc cette question cruciale, en a-t-on fini avec les couillons ? Attendez, mais où avez-vous lu ce mot à plusieurs reprises ? Dans quel texte ? Umberto Eco, comment se préparer sereinement à la mort ? Celui-là rejoue alors la discussion entre Socrate et Criton, ce dernier demandant au premier comment se préparer à la mort. Et voici la réponse de Socrate, interprétée par Eco et interprétée par vous ici, Guillaume. Une seule solution, être convaincu que tous les gens sont couillons. Essaie un instant de penser que, à l'instant où tu vas quitter cette vallée, tu as la certitude inébranlable que le monde, 5 milliards d'êtres humains, est rempli de couillons. Des couillons les scientifiques, des couillons les politiciens, des couillons les pisseurs de copies, des couillons les industriels. En cet heureux moment, ne serais-tu pas soulagé d'abandonner cette vallée de couillons ? Je l'ai bien lu, parce que vous avez trouvé que c'était pas terrible. Parce que je suis très dure sur la direction d'acteur. Vous l'avez très bien lu. J'ai mis le ton, là. Ouais, très bon ton. Et d'ailleurs, je crois qu'on a quand même une petite idée du nombre d'occurrences du terme par rapport à ce texte. Il faut quand même étendre à 3 pages. Aujourd'hui, d'ailleurs, on aurait plutôt tendance à remplacer couillon par con. Et le raisonnement aurait en fait tout autant de valeur. Malgré tout, je pose la question, un couillon est-il un con ? Et inversement. Alors certes, les deux désignent vulgairement des imbéciles, mais le couillon a presque quelque chose d'attendrissant. Il semble bête malgré lui, alors que le con, lui, ne suscite aucune empathie, au contraire. Ce qui soulève ce paradoxe, les couillons ont beau exister en tant que tels, ils ont dans le même temps disparu en tant que tels. Mais disparu où et comment ? Au fond, la question doit être reposée, la disparition du couillon est-elle purement lexicale ? On a changé de mot, peut-être par lassitude ou alors peut-être par manque d'empathie ? Ou est-elle physique, voire métaphysique ? Les couillons se sont-ils métamorphosés en cons ? Mais bien oui, là je sens que ça va être le moment querelle des universaux. Voilà, querelle que je m'en vais vous résumer à gros traits. En gros, entre le 12e et 14e siècle, ce qui est quand même énorme quand on y pense, sachant que ça avait quand même commencé dès l'Antiquité, certains se sont écharpés pour savoir si les universaux, soit ce qui caractérise une universalité d'individus ou de choses, existaient réellement ou étaient seulement des productions de l'esprit humain. Autrement dit, si les universaux relevaient du réalisme ou du nominalisme, ce qui, adapté à notre question de couillon pourrait prendre cette forme. Le couillon n'a-t-il existé que dans notre esprit ou a-t-il eu une existence par lui-même ? Et là, ça soulève ce problème moins du couillon que du langage, Guillaume. Celui-ci a-t-il le pouvoir de faire exister quelque chose ou au contraire n'est-il que le reflet bien malgré nous de la réalité ? Je jette ça là, car quoi qu'il en soit, l'effacement réel ou discursif du couillon révèle qu'on préfère désormais un autre type d'imbécile et qu'après la tendresse du premier, nous voici tombés dans l'air froide de la connerie. Merci beaucoup Géraldine Mosna-Savoie, 8h56 sur France Culture.